Affaires sensibles, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 15h. Aujourd'hui dans Affaires sensibles, l'une des plus grandes catastrophes naturelles du siècle, le tsunami de décembre 2004 dans l'océan Indien. Le 26 décembre de cette année-là, un séisme, puis un raz-de-marée dévastateur frappe les côtes de 10 pays de l'océan Indien. Indonésie, Inde, Sri Lanka, Thaïlande ou encore Maldives voient leurs rives ravagées par des vagues atteignant jusqu'à 35 mètres de haut, haut comme un immeuble de 9 étages. 226 000 personnes perdent la vie dans cette catastrophe, dont 95 Français. Un bilan très lourd, en partie imputable à l'absence de système d'alerte au raz-de-marée. Les images de paysages dévastés, de cadavres entassés suscitent une émotion sans précédent dans le monde entier. Le sort des nombreux touristes présents dans la région, qui profitaient notamment des plages paradisiaques de Thaïlande, contribue fortement à braquer l'attention des Occidentaux sur cette tragédie. Dans les jours qui suivent, la plus grosse opération humanitaire de l'histoire commence, mais dans l'improvisation la plus totale. État et particuliers rivalisent de dons et de promesses parfois disproportionnées par rapport aux besoins et la mise en place de l'aide face à heurter à de nombreux obstacles. Notre invité aujourd'hui est René Broman, ancien président de Médecins Sans Frontières, directeur de recherche à la Fondation MSF et membre du Crash Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée aujourd'hui par Héloïse Davio, coordination Christophe Barrère, réalisation Jérôme Boulet. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Décembre 2004. En ce lendemain de Noël, il fait encore nuit sur les plages de l'océan Indien où l'on n'entend que le clapotis des vagues et une légère brise. Sur les côtes du Tamil Nadu, en Inde, celles du Sri Lanka, de la Thaïlande et de l'île de Sumatra, en Indonésie, les pêcheurs partent en mer, c'est l'heure. Lorsque les premiers rayons du soleil apparaissent, dans les hôtels des îles thaïlandaises de Phuket et Koh Phi-Phi, les touristes se réveillent tranquillement et se remettent de leur réveillon sous les cocotiers. En cette période de vacances hivernales, les amateurs de soleil sont nombreux à choisir cette région pour se détendre. Attirés par la promesse d'une météo agréable, ils profitent des nombreuses promotions des tours opérateurs. La destination est abordable, le tourisme d'ailleurs, est avec la pêche l'une des principales activités des zones côtières, inévitablement tournée vers l'océan Indien. Alors, en bord de mer, restaurants et shops ouvrent, tandis que locaux et vacanciers commencent doucement à affluer vers les plages de sable blanc, ils sont là pour ça. Difficile alors d'imaginer que quelques minutes plus tard, un cauchemar va envahir ces rives habituellement enchantées. Nous avons été frappés par un gigantesque séisme. Il a été ressenti dans toute la région. Il est certain qu'il y a de nombreuses victimes, mais pour l'instant, aucun bilan officiel. De nombreuses personnes sont grièvement blessées. Il est 8h15 à Banda Aceh, sur l'île de Sumatra, en Indonésie. La terre vient de trembler. À 250 km des côtes de l'île, au fond de l'océan, la plaque indienne océanique vient de plonger brusquement sous la plaque asiatique. Le choc provoque un séisme d'une rare violence, 9.3 sur l'échelle de Richter. L'énergie libérée correspond, dit-on, à celle de l'explosion de 27 000 bombes d'Hiroshima. 40 ans que la planète n'avait connu pareil tremblement de terre. La convulsion est si puissante que le globe terrestre dévie de son axe de rotation. Les secousses font vaciller toute la province d'Aceh en Indonésie. Au premier tremblement, la population se précipite dans les rues où les gens s'allongent à plat ventre, mains sur la tête et tentent d'éviter les débris pendant quelques minutes qu'on imagine interminables. Lorsqu'enfin le séisme s'arrête, les habitants d'Aceh se relèvent au milieu de ruines. Autour d'eux, les bâtiments sont effondrés, des victimes crient au milieu des décombres, les dégâts sont nombreux. un grand hôtel flambant neuf et l'un des plus grands centres commerciaux de la ville sont à terre. L'heure est au premier secours, car le pire, croit-on, est passé. Mais sournoisement, à l'aplomb de la faille, une bosse d'eau de quelques mètres jaillit. L'onde se déplace à une vitesse folle, entre 500 et 800 km/h, et se propage dans deux directions opposées, à l'est et à l'ouest. Au même moment, au large de l'île de Phuket en Thaïlande, à 500 km de Banda Aceh, Vimon, un pêcheur, et c'est son embarcation. L'homme vit dans un petit village au bord de l'eau, Ban Man Kem, où l'attendent sa femme et ses trois filles. Ce matin-là, il est en plein travail quand un phénomène étrange se poursuit. C'est ce qu'il raconte dans le documentaire « Des vies après le tsunami » de David Montaner et Hélène Ekman pour Babel Press en 2014. Le 26 décembre, j'étais parti en mer très tôt le matin avec mon frère aîné. L'océan était calme, il n'y avait pas une vague, pas de vent. Tout était normal, une mer d'huile. Tout à coup, vers 9h du matin, j'ai entendu quelque chose d'inhabituel et le bateau s'est mis à trembler. C'était comme un orage au loin. C'est alors que j'ai vu des poissons morts remonter tout autour du bateau. Et puis tout à coup, j'ai cru que je rêvais. Je n'avais jamais vu ça de toute ma vie. La vague est arrivée comme une montagne. Une vague d'au moins 10 mètres de haut. En une fraction de seconde, Vimon prend une décision capitale. Il décide d'affronter la vague de face pour éviter que son bateau ne chavire. Ce réflexe lui sauve la vie, mais tous n'auront pas cette chance. Sur la centaine de bateaux sortis ce matin-là dans la zone, seuls 10 reviendront. Sur les plages de Thaïlande ou de la province d'Aceh en Indonésie, la mer se retire d'un coup sur plusieurs centaines de mètres. Le phénomène intrigue et attire les badauds. Amusés, certains attrapent les poissons qui frétillent à sec sur le sable. Les gens approchent pour assister au spectacle. Mais c'est un piège, prêt à se refermer. En une poignée de secondes, en effet, une masse d'eau de près de 15 mètres de haut déferle sur les côtes indonésiennes, emportant tout sur leur passage. Quelques minutes plus tard, le tsunami ravage les côtes est-indiennes et sri-lankaises. Les scènes sont terrifiantes. Cette vague-là n'est qu'une réplique. C'est dire la violence du raz-de-marée. Image ici du Sri Lanka. L'eau monte dans les quartiers. Et c'est le sauve-qui-peut. Des flots déchaînés qui ont pris au piège ses habitants, emportés l'un après l'autre dans les tourbillons. Ces images ont été prises à 100 km au sud de la capitale du Sri Lanka, Colombo. La violence du courant emporte tout sur son passage. Et le toit des bus devient un dernier refuge, bien fragile. Oui, l'eau emporte tout. Être humain, mur, véhicule, rien ne semble pouvoir résister aux flots de débris qui s'infiltrent à l'intérieur des terres. La mer, cruelle, ne fait aucune distinction, déchirant les familles, arrachant des enfants aux bras de leur mère. Seule la chance permet d'en réchapper ce jour-là. Et, comme de nombreux Sri Lankais, un Français qui connaît bien ce pays va en faire la meilleure expérience. Philippe Gilbert, c'est son nom, ancien informaticien, originaire de Lussac en Gironde, possède un petit bungalow dans un village de pêcheurs, Medaketia, près de Tangalé, dans le sud du pays. Voilà 20 ans que ce sexagénaire séjourne régulièrement au Sri Lanka. Il en est tombé amoureux, selon ses propres mots, depuis que l'un de ses collègues Sri Lankais d'origine le lui a fait découvrir. Il est arrivé à Medaketia quelques semaines plus tôt, comme chaque année, pour profiter de son cocon en bord de mer. Il y a ses repères, Emash, son voisin et ami sri-lankais, et toute sa famille. Au Sandy, la petite dernière, la grande copine de Juliette, sa petite fille. L'enfant est d'ailleurs arrivé une semaine avant Noël avec ses parents, Delphine, la fille de Philippe Gilbert, et Jérôme, pour passer les fêtes de fin d'année. Le 27 décembre, au matin, comme tous les jours, la famille partage son petit déjeuner apporté par le fils de MH, les pieds dans le sable. Delphine et Jérôme ont envie d'aller pêcher. Alors, ils filent au marché à Tangalé pour acheter de quoi manger, tandis que Philippe Gilbert reste avec Juliette au bungalow. La petite fille joue avec Osandi, la fille de MH. Bref, c'est une journée de vacances dans son petit paradis qui commence. Quand tout à coup, en une fraction de seconde, tout bascule. Quelques heures plus tard, le témoignage de Philippe fait le tour des médias. J'étais à 5 mètres au bord de l'eau, au bord d'un bungalow. J'ai vu une vague, un petit peu plus forte que les autres au début qui est arrivée. Donc il m'a, sur le coup, pas du tout affolé. Et puis, je suis rentré dans le bungalow quand j'ai vu que cette vague commençait à grignoter un petit peu le haut du bungalow. J'ai eu la présence d'esprit de m'en extirper assez rapidement. Et puis là, j'ai été complètement emporté par une vague absolument monstrueuse, qui dépassait très largement le bungalow, qui doit faire à peu près 7-8 mètres de haut. Et puis, la chance de me trouver coincé par deux arbres et de pouvoir tenir la respiration suffisamment longtemps. Je n'ai aucune idée du temps qu'il m'a fallu, aucune idée du temps que ça a duré. Voilà, j'ai perdu ma petite fille dans ça. Ça, oui, comment qualifier le monstre d'eau qui vient d'emporter sa petite fille de 4 ans? Accroché à son cocotier, Félix Gilbert se sent ridicule et surtout impuissant. Lorsque la vague se retire et qu'il peut à nouveau fouler le sol, Philippe Gilbert ne s'est fait aucune illusion. Juliette n'avait pas les armes pour affronter la mer. Juliette est morte. Osandi aussi. Une émission déchirante lui incombe alors, retrouver sa fille, Delphine, et son beau-fils pour le leur dire. En plein cauchemar, Philippe Gilbert marche dans une eau sombre, boueuse, jonchée de débris. Il aperçoit des cadavres, mais il continue d'avancer. Arrivé au centre-ville de Tangalé, il finit par trouver Delphine et Jérôme. Le couple se rend bien compte qu'il s'est passé quelque chose, mais il n'est pas au courant pour le tsunami. Alors, des larmes aux yeux, Philippe Gilbert leur annonce que Juliette n'a pas survécu. À l'autre bout de l'océan Indien, au large de la Thaïlande, une fois la mer redevenue calme, Vimon, le pêcheur thaïlandais, tente de revenir à Banlang Khem. Sur le chemin du retour, il aperçoit des gens qui dérivent. Il prend alors son courage à deux mains et en sauve plus de 20. Sur le moment, il ressent un sentiment de fierté, mais de courte durée, car le spectacle qu'il découvre lorsqu'il accoste est effroyable. Quand la mer s'est calmée, je me suis accroché à la barre pour revenir vers la côte. J'ai immédiatement vu que tout était détruit. J'ai d'abord vu un matelas flotter, puis des gens qui dérivaient. J'en ai sauvé quelques-uns. Mais quand mon bateau est enfin arrivé sur la grève, j'ai couru jusqu'à ma maison. Et là, il n'y avait plus rien. Plus rien. La scène fait craindre le pire à Vimon pour sa famille. Mais il finit par retrouver sa femme qui lui dit que sa cadette, âgée de 3 ans, a disparu. Il faudra 11 jours au pêcheur pour retrouver son corps. Partout, la vague a emporté de nombreux enfants, pas assez rapides pour courir, trop faibles pour combattre les flots. D'heure en heure, ils viennent alors grossir les rangs des disparus. En Thaïlande, la déferlante s'est également attaquée aux sites les plus touristiques. Koh Phi Phi, la célèbre plage du film The Beach avec Leonardo DiCaprio, Phuket aussi ou Khao Lak. Au moment de la catastrophe, de nombreux touristes lézardaient déjà sur les plages ou récupéraient tranquillement de leur réveillon de Noël dans les luxueux bungalows et chambres donnant sur le sable. À Khao Lak, les premières nouvelles sont inquiétantes. L'hôtel Sofitel est sans nouvelles de plus de 260 clients sur les 415 qui séjournaient. Dans les journaux télévisés, on aperçoit les touristes en maillot de bain, souvent blessés, hagards. On les voit cherchant leurs proches ou blessés sur des civières dans des hôpitaux bondés. comme Jean-Claude Guillet. Ce touriste français était à Koh Phi Phi en Thaïlande au moment du tsunami. Et il témoigne sur France Inter le 28 décembre. France Inter. C'est le bruit qui nous a alertés. Et quand on est sorti pour voir qu'est-ce que c'était que cet énorme bruit qui arrivait, c'était déjà trop tard, il n'y avait plus rien à faire. Alors j'étais avec mon fils qui est là, ma femme et ma fille, et puis ben, il manque ma femme et ma fille. Les deux, on les a pas retrouvés encore. J'ai ma famille qui est arrivée de France, mon frère qui est là, le fiancé de ma fille qui est arrivé, et mon beau-frère. Et ils ont fait des groupes de recherche à droite à gauche, ils sont organisés, ils vont voir dans les hôpitaux, dans les centres de recherche pour recueillir des informations. Ça c'est par contre très très difficile. Après 4 jours, vu le climat, la chaleur, la situation de l'eau et des débris, réussir maintenant à identifier les morts va être extrêmement difficile. Les premiers témoignages recueillis font craindre un grand nombre de victimes. Dans les centres de crise de fortune, les proches des disparus affichent leurs portraits sur de grands tableaux. Les autorités, elles, placardent des clichés de cadavres par centaines pour authentification. Après l'épreuve du tsunami, les familles se lancent maintenant dans la pénible quête des dépouilles. En se retirant, la vague a laissé derrière elle des paysages dévastés. Les premières images, qui commencent à tourner en boucle sur toutes les chaînes de télé du monde, font état de scènes apocalyptiques. L'Indonésie est le pays le plus proche de l'épicentre du séisme et donc le plus touché par le tsunami. La vague, ici, a atteint jusqu'à 35 mètres de hauteur. La ville de Banda Aceh se transforme en morgue à ciel ouvert. Vu d'avion, on comprend mieux devant ces paysages engloutis pourquoi en quelques heures les bilans officiels sont passés de 5 à plus de 27 000 morts. La province d'Aceh, au nord de l'île indonésienne de Sumatra, était en première ligne à 150 km à peine de l'épicentre du séisme. Dans la capitale, Banda Aceh, on trouve en pleine ville aussi bien des avions que des bateaux emportés par la mer. Dans cette voiture, cet homme cherche son frère. Sa femme est morte en dormant, écrasée sous des madriers. Cette vieille femme, elle, pleure parce qu'elle est la dernière survivante de sa famille. Des corps alignés, entassés dans des fosses. Le bilan s'alourdit d'heure en heure. Le lendemain de la catastrophe, il fait état de 11 000 victimes au Sri Lanka, 6 200 en Inde, 5 000 en Indonésie, 900 en Thaïlande. Au total, en ce lundi 27 décembre au matin, le bilan provisoire, très provisoire, est de 23 000 morts. Les journaux télévisés du monde entier diffusent en boucle des images déchirantes. Un père au Sri Lanka qui porte à bout de bras le corps raidi de son fils. Une mère en Inde qui ne veut pas lâcher son bébé sans vie. Des enfants qui errent, hébétés, à la recherche de leur famille. Mais le public occidental est aussi très touché par les nombreuses images en provenance de Thaïlande. Des corps de touristes inertes, abandonnés sur les plages. Des vacanciers en maillot de bain qui cherchent en vain leurs proches. Les hôtels de luxe dévastés. Les images, amateurs, de ceux qui sur les plages courent pour échapper à la vague. Ces scènes, toutes ces scènes, suscitent une émotion et un élan de solidarité jamais vu. Dès les premières heures de la catastrophe, en coulisses, s'improvise alors la plus grande opération humanitaire de l'histoire. The sun won't set. Sun won't set. starting to get cold. Holding on through change, the day grows old. I miss the morning heat fall upon my face. I wish I knew you then. It's always sunset in this place. The sun won't set. Ils sont des milliers de rescapés. Petit à petit, ils se regroupent dans les centres de secours, comme ici dans le sud de l'Inde, à Alepey. Mais deux jours après la catastrophe, ils ne sont toujours pas tirés d'affaire. Ils manquent de tout et les épidémies menacent. Il y a à peu près 2500 personnes dans le centre. Et je ne crois pas avoir de quoi soigner tout le monde. Partout, l'accès à l'eau potable est le problème numéro un. Alors qu'aux Maldives, l'aide humanitaire commence à parvenir aux sinistrés, au Sri Lanka, les premières équipes médicales de la Croix-Rouge sont arrivées. Dans ce seul pays, 1 million de personnes sont déplacées, elles ont tout perdu. Ils ont surtout besoin de nourriture, de vêtements. C'est ce qu'on leur donne en priorité. On attend aussi des médicaments et du matériel de secours. 28 décembre. Deux jours après le tsunami, l'heure n'est déjà plus à la recherche de survivants. L'eau boueuse qui s'est infiltrée partout laisse peu d'espoir d'en retrouver. Les premiers secours dépêchés sur place sont des équipes aguerries aux recherches lors de séismes. Mais dès leur arrivée, elles comprennent vite qu'elles ne pourront pas faire grand-chose. Non, l'urgence, c'est désormais de s'occuper des rescapés. La veille, un premier Airbus décolle d'Orly à destination de Colombo, la capitale du Sri Lanka. À son bord, 60 sapeurs-sauveteurs des unités d'intervention de la sécurité civile, 40 membres de la Croix-Rouge, du SAMU, des organisations de secouristes sans frontières et Télécom sans frontières. Ils sont accompagnés de spécialistes chargés d'estimer les besoins. L'avion transporte des machines de traitement d'eau, du matériel pour monter les hôpitaux de campagne et 300 kilos de médicaments. Comme la France, une dizaine de pays affrètent plus de 100 appareils dans l'océan Indien. États-Unis, Russie, Australie ou encore Chine, la communauté internationale lève immédiatement 500 millions de dollars, dont la moitié est versée par la Banque mondiale. Les Nations Unies, elles, envoient sur place 2000 personnes chargées d'évaluer les besoins et de coordonner les secours. L'ONU lance une levée de fonds de plus d'un milliard d'euros. Pour les humanitaires dépêchés dans la région, une course contre la montre démarre. L'Organisation mondiale santé se montre très alarmiste. Il faut à tout prix limiter le développement de maladies. Les épidémies, les blessures mal ou pas soignées qui s'infectent pourraient tuer autant de gens que le tsunami. Parti très vite, les premiers secours vont pourtant mettre beaucoup de temps à pouvoir intervenir. D'ailleurs, des secouristes qui errent dans les couloirs de leur hôtel, désœuvrés au Sri Lanka, l'un des pays les plus meurtris, c'est l'image surréaliste que l'on peut voir ce 28 décembre au journal de France 2. Dans un grand hôtel de la capitale sri-lankaise, les secouristes français attendent depuis hier. Désœuvrés, ils ne savent toujours pas dans quelle zone de recherche ils doivent intervenir. L'organisation des secours est très lente à se mettre en place. Les zones les plus touchées dans le sud et à l'est du pays restent inaccessibles. Le raz-de-marée a considérablement amené des paquets de sable, plus tout ce qu'il a détruit sur son passage, c'est-à-dire des débris de maison, des débris de bois et de forêt, sur ces routes. Donc il faut attendre que les autorités aient ouvert un passage pour que nous puissions, nous, aller après avec nos moyens lourds, c'est-à-dire nos 2 tonnes de fret, monter notre hôpital de campagne directement sur les zones, au cœur des zones touchées. Et le temps passe. Et malheureusement, le temps passe, mais on est condamné à attendre le dégagement des routes. Au Sri Lanka, l'état des routes coupe du monde une grosse partie des zones sinistrées. Mais ce n'est pas le seul problème. Depuis 1983, l'alarme de l'Inde est en proie à la lutte indépendantiste des Tigres tamouls pour la création d'un état, le Tamil Elam, dans l'est du pays. La zone est particulièrement sinistrée. compte tenu de la situation, l'organisation ethnique accepte un cessez-le-feu. Mais pour la présidente Chandrika Kumaruntuga, hors de question de risquer le développement de la moindre opposition. Ces considérations politiques ralentissent évidemment et considérablement la mise en place de l'aide. Comme le Sri Lanka, l'Indonésie et la région d'Aceh sont en proie à une guerre civile depuis 1976. Les militaires quadrillent la zone. Dans un premier temps, ils refusent de laisser des flots d'humanitaire circuler comme bon leur semble dans la région. Matériel, denrées, eau, des avions affrètent les biens de première nécessité dont la population manque cruellement. Mais ceux-ci restent bloqués à l'aéroport. Au bout de 5 jours, la situation devient très critique. Écoutez le récit qu'en fait Jocelyn Grange, le correspondant de RFI, le 31 décembre. Horreur, épouvante, effroi. Les mots ne sont pas encore assez forts pour décrire le drame qui se joue dans les villages d'Aceh. Ces corps qui se décomposent depuis 5 jours sous le regard hébété des survivants, cette odeur de mort concentrée à l'extrême par la chaleur tropicale si forte qu'elle écœure à la nausée, ces hôpitaux de campagne au sol crasseux, immaculé de sang, où l'on meurt par dizaines d'infections pulmonaires. L'enfer aussi pour ces parents orphelins prostrés sur les ruines de leur maison dévastée, pour ce 500 000 de réfugiés qui dorment dans la poussière humide, presque dans la boue des centres d'évacuation, ou pour ces enfants aux plaies purulentes que les bras de leur mère ne parviennent plus à apaiser. Les tentes, les couvertures, les médicaments, la nourriture et l'eau potable sont pourtant là, si proches mais si loin, dans l'aéroport militaire de Banda Aceh. Aujourd'hui, 21 camions ont pris la route et 4 hélicoptères les airs, quelques gouttes d'espoir dérisoires dans un océan de douleur. À Banda Aceh, Jocelyn Grange, RFI pour France Inter. Le récit est glaçant. Pourtant, à Washington, le président américain tarde à réagir. Lorsque survient le tsunami, George Bush profite tranquillement de ses vacances en famille dans son ranch texan. Il débloque dans un premier temps 15 millions de dollars, une somme qui place la première puissance mondiale et la plus riche au niveau du tout petit état de Singapour. À titre de comparaison, la France débloque dans les premiers jours de la catastrophe 43 millions d'euros. Alors, le président américain a-t-il vraiment pris la mesure de l'événement? En tout cas, il déclenche un tollé et la presse épingle sa pingrerie. Le 31 décembre, Bush change alors radicalement de stratégie et lance une offensive diplomatique pour pouvoir intervenir. Il débloque une aide d'urgence de 350 millions de dollars. Les États-Unis passent ainsi au premier rang des donateurs internationaux, faisant mieux que la Banque mondiale. Le président américain tente de reprendre la main et de s'auto-proclamer sauveteur en chef en proposant une coalition d'aide regroupant l'Inde, l'Australie, le Japon et le Canada. Dans le même temps, l'armée américaine est mobilisée. Une douzaine de navires se dirigent vers les côtes indonésiennes et sri-lankaises. En tête, le porte-avions USS Abraham Lincoln et le bâtiment d'assaut amphibie USS Bonhomme Richard mènent les troupes avec 40 hélicoptères à leur bord. 9 avions cargo militaires décollent également de la base d'Utapao. Cette fois, les États-Unis sortent les grands moyens et ils comptent bien le montrer. Depuis 24 heures, les Américains sont entrés en scène avec 10 hélicoptères et plusieurs gros porteurs. Depuis Banda Aceh, ils convoient les soldats de l'armée indonésienne et quelques tonnes de vivres dans les villages les plus sinistrés. La prochaine étape, explique l'un des nombreux officiers de presse, est de ramener les rescapés des régions isolées et les blessés en manque de soins. Les Américains ont la partie facile, ils sont seuls ou presque, et question moyen, ils n'ont pas de concurrence. L'action américaine n'est pas désintéressée. Empêtré dans la guerre en Irak, George Bush est souvent taxé d'islamophobie. Or, l'Indonésie est le premier pays musulman au monde. En venant à son secours, il espère ainsi redorer l'image de son armée. Face à l'arrivée massive de l'aide et à la surenchère humanitaire, l'Indonésie finit par ouvrir ses portes aux Américains. Il faut dire que l'élan de générosité sans précédent de France, de Suède, d'Allemagne comme des États-Unis, les dons affluent. Vêtements, produits de première nécessité, mais aussi argent, beaucoup d'argent. À tel point que les ONG sont prises de court. En France, Médecins Sans Frontières, Fondation de France, Action contre la faim, toutes les ONG croulent très vite sous les donations. En quelques jours, 300 millions d'euros sont récoltés, rien qu'en France, plus de 10 milliards à l'échelle de la planète. À la télé, à la radio, les appels aux dons font recette. Et l'implication de célébrités ne fait qu'amplifier le phénomène. Partout dans le monde, des stars se mobilisent. Comme aux États-Unis, où tout Hollywood se précipite pour répondre en personne au téléphone dans des émissions télévisées. The networks of NBC Universal are proud to present the Tsunami Aid, a concert of hope. Pour ceux qui ont tant perdu, s'il vous plaît, donnez. Votre don peut changer la vie de quelqu'un. Vous ne connaîtrez peut-être pas le nom de cette personne à l'autre bout du monde, mais je vous promets qu'il recevra votre aide. Je pense que c'est le minimum qu'on puisse faire, $335,000. Votre aide ce soir permettra de les sauver, s'il vous plaît, donnez. Les sommes récoltées sont tellement importantes que les ONG ne savent plus quoi en faire. Ça paraît surréaliste de dire ça, mais c'est le cas. Début janvier, Médecins du Monde comptabilise ainsi 40 millions d'euros récoltés. C'est bien plus qu'il n'en faut. Le 4 janvier, l'ONG appelle ses contributeurs à suspendre leurs donations. L'initiative fait grincer quelques dents dans les autres organisations, mais des dons collectés pour une cause ne peuvent être utilisés pour une autre. Passé l'urgence, la reconstruction mobilise nombre d'associations. Dans les zones sinistrées, des villages entiers ont été rayés de la carte. À Banda Aceh, la capitale de l'île de Sumatra, plus de 100 000 bâtiments sont détruits. Une reconstruction matérielle qui se couple parfois avec une reconstruction psychologique. Certains rescapés apprivoisent leur traumatisme en lançant leurs propres associations pour aider les populations locales. Au revoir, Meda Katia. Dès son retour en France, fin décembre 2004, Philippe Gilbert, le grand-père de la petite Juliette, ne pense qu'à une chose, retourner au Sri Lanka. Lui, sa fille Delphine et son beau-fils Jérôme ont très vite quitté le pays après le tsunami. Il a à peine eu le temps de dire au revoir à la femme de son ami, M.H., emporté par la vague, lui aussi comme Juliette. Philippe Gilbert est sain et sauf en France, mais son esprit est resté à Meda Katia. Pendant le vol qui le ramène en France, il commence à discuter avec son beau-fils d'un projet d'association. Il veut aider les familles restées là-bas sans rien. À peine rentré, il se lance corps et âme dans ce projet. S'occuper, oui, pour ne pas penser. S'occuper pour ne pas laisser la douleur prendre le dessus. Sollicité par Paris Match, Philippe Gilbert accepte de répondre aux interviews, le meilleur moyen de parler du Sri Lanka et de récolter des fonds. Quelques jours plus tard, l'association est baptisée Aide aux sinistrés de Meda Katia. Et les dons affluent au-delà de toute espérance. Deux mois seulement après le tsunami, le sexagénaire s'apprête à repartir. On évite de parler de notre drame. On insiste bien sur le fait que ce qu'on veut maintenant, nous, c'est parler de leur drame. Voilà. Ces gens, aujourd'hui, ils ont besoin de s'asseoir sur des chaises et non pas par terre. Ils ont besoin de manger le riz qu'on leur apporte, puisque ça, là-dessus, je pense qu'ils ont, ils ont à manger. Mais ils ont besoin de le manger dans les assiettes et non pas assis par terre sur une feuille de journal. Vous voyez ? Bon, c'est toutes ces choses, nous, où on veut intervenir. C'est-à-dire à un niveau, je dirais, très, très basique. D'accord ? Ce qu'on veut, c'est leur permettre de revenir, de retrouver la dignité qui était la leur avant la catastrophe. Philippe Gilbert part mardi pour un mois et va permettre à plusieurs pêcheurs de racheter des bateaux. Le 9 février 2005, Philippe Gilbert pose le pied à l'aéroport de Katunayake, près de Colombo, la capitale du Sri Lanka. Il met le cap sur son village. Il s'attend à devoir composer avec les autres ONG. Mais lorsqu'il arrive, il est stupéfait de constater qu'aucune d'entre elles n'est arrivée jusqu'ici. Alors, sans plus attendre, il se met au travail et recense les besoins. Il distribue filets de pêche, ustensiles de cuisine, kits de première nécessité. Avec des hommes du village, il lance la construction d'une première maison en bois. De nombreux suivront. Philippe Gilbert panse ses blessures à coups de pioche. Il faudra plusieurs années au pays de l'océan Indien pour se reconstruire. Le tsunami, cette force de la nature incontrôlable, aura emporté plus de 220 000 vies et bouleversé des millions d'autres. C'était un 26 décembre, c'était en 2004. It's a battle of the culinary arts. In that morning land. mate over across that river. And some good old contraband in hey. Lovely story, who do we insert? The mighty, mighty Steve Willoughby. He was searching for that big Buddha in a raincoat, but met a wife half the size of he. And tight. Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le tsunami du 26 décembre 2004. Notre invité, Ronny Broman. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médecin, ancien président de Médecins sans frontières de 1982 à 1994, directeur de recherche à la Fondation Médecins sans frontières et membre du CRASH Centre de réflexion sur l'action et les savoirs humanitaires. Je viens de dire, rappeler le titre, le tsunami du 26 décembre 2004. On peut dire le tsunami tant il a marqué les esprits. Pourquoi cette catastrophe est-elle historique selon vous? Au-delà du bilan humain, évidemment. Enfin, ça compte. C'est ça compte d'abord, mais au-delà. Tout de même, ouais. Bien entendu, mais elle a quelque chose d'inédit, qui est d'avoir été filmée et illustrée en temps réel. Ouais. C'est le début de l'époque des smartphones, tout le monde a une caméra dans la poche, et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, au moment où la catastrophe se produit, elle devient visible. On n'avait jamais vu un raz-de-marée filmé sous tant d'angles différents, dans tant de situations différentes. Je dis un raz-de-marée, c'est une approximation, parce que c'est pas véritablement un raz-de-marée. Et beaucoup de gens ont appris le mot tsunami d'ailleurs, en 2004. Oui, le mot tsunami était totalement inconnu en français, en tout cas, il est devenu commun, banal, à ce moment-là. Mais c'est précisément parce qu'on a vu cette vague. Et d'ailleurs, depuis, le phénomène s'est reproduit. Par exemple, l'autre tsunami qui s'est produit... En 2011 au Japon, 11 mars 2011. Celui de Fukushima a été lui aussi filmé en direct. Maintenant, toutes les catastrophes sont filmées en direct. Mais le tsunami d'Indonésie, car c'est, je pense qu'il faut le centrer sur l'Indonésie, une dizaine ou même une quinzaine de pays ont été touchés, certes, mais c'est l'Indonésie qui l'a été le plus violemment, le plus profondément. Ce tsunami-là a été le premier à être filmé. D'où... sa persistance dans les mémoires. Par ailleurs, je voudrais rectifier une légère inexactitude de votre récit. La suspension des dons qui a suscité une telle controverse n'a pas été décidée par Médecins du Monde, mais par Médecins sans frontières. J'en sais quelque chose, vu la controverse dans laquelle nous avons été plongés à l'époque. C'est sans grande importance. C'est l'important de rappeler ça. Enfin bon, c'était... Le principal, c'est de rectifier, tout va bien. Bien sûr. Il n'y a aucun problème. Alors, la particularité du secours dans le cadre d'une catastrophe comme celle-là, comme un tsunami, on n'intervient pas sur un tsunami comme on intervient sur l'éruption d'un volcan qui pourrait faire des victimes. Je dis n'importe quoi, mais un autre phénomène. Il y a une spécificité. il y a une spécificité marginale. Le tsunami qui donc est produit, enfin se traduit par l'arrivée d'une gigantesque masse d'eau qui progresse à une grande vitesse. Hein, la masse d'eau progresse à environ 50-70 km/h selon l'endroit. Elle provoque une sorte de, non pas de souffle, mais d'aérosol de poussière qui, lorsque il est inhalé, peut provoquer des obstructions bronchiques. Donc il y a des syndromes pulmonaires très particuliers qui sont liés au tsunami et qu'il faut connaître, sinon on passe à côté. Ça peut provoquer des souffrances, des surinfections, voire des décès. Donc d'un point de vue médical, c'est important à connaître. Cela étant, pour le reste, ce sont les conséquences d'une catastrophe naturelle de manière habituelle, c'est-à-dire et c'est très important à comprendre parce que les gens souvent ignorent compte tenu de la façon dont ces faits sont filmés. La catastrophe est extrêmement circonscrite. Le périmètre des destructions humaines et matérielles est très limité. Par exemple, au Sri Lanka, la zone frappée était environ sur une centaine de kilomètres de long et environ une centaine de mètres, je dis bien une centaine de mètres de large. Si bien que vous marchez 2 minutes et vous êtes en dehors de la zone sinistrée. C'est important à avoir à l'esprit parce que ça explique comment il se fait que la plupart des secours, disons 90% des secours qui se déploient dans les premiers jours de la catastrophe, c'est-à-dire au moment le plus fort de celle-ci, sont produits par les populations et les institutions locales. Ce sont les Croix-Rouges, les polices, les armées, les municipalités, les églises ou les temples ou les mosquées, enfin, quelle que soit la religion, qui organise les secours, plus un certain nombre de gens, c'est très frappant, ça s'est observé dans toutes les catastrophes, qui s'auto-improvisent, qui s'auto-désignent leaders des secours. Et ça marche très bien. Donc ce sont des gens qui, spontanément, organisent des distributions de nourriture, des abris, des distributions de couvertures, etc. Et par exemple, Médecins Sans Frontières avait fait une enquête a posteriori, hein, plusieurs mois après, au Sri Lanka, qui avait montré que le soir même, hein, le tsunami s'est produit à 9h du matin, le soir même, 98%, c'est-à-dire à peu près tout le monde, avait un toit sur la tête et une assiette chaude à consommer. Parce que la solidarité de voisinage et la solidarité des organisations locales avaient fonctionné à plein. Et ça, c'est une règle que l'on observe absolument partout. Il n'y a pas d'exception à cela. Ça ne dure pas des semaines et il est bon que les secours internationaux prennent le relais. Voilà. Mais n'imaginons pas que, sauf exception, bien sûr, il y a toujours des exceptions, il n'y a jamais une règle absolue, mais sauf exception, n'imaginons pas que les gens demeurent hébétés, abandonnés et tout. Pas du tout. Les gens ne sont pas hébétés. Au contraire, ils réagissent. Il y a des acteurs extrêmement dynamiques qui se mettent en place et c'est le cas, encore une fois, sans exception. Si bien que cette notion d'une population demeurée inerte, passive, abandonnée à son triste sort en attendant l'arrivée des zoros, des cow-boys de l'aide internationale, ça c'est un cliché, c'est une image d'Épinal dont il faut se défaire, faute de quoi on ne comprend pas ce qui se passe dans une situation de catastrophe naturelle. Et c'est bien de le faire. Alors, une fois qu'on a dit ça, et c'était bien de le dire, vous arrivez, vous comme d'autres, arrivant de l'étranger, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont vos premières missions? Les premiers besoins, je ne vais pas décrire ce qu'a fait Médecins Sans Frontières là, parce que c'était pas spécifique, on a fait en gros ce que font les autres, mais il y a naturellement les besoins médicaux. Ils sont à la fois très importants et très surévalués. Ça peut sembler paradoxal, mais on verra que ça n'est qu'apparent. Ils sont très importants parce que beaucoup de gens sont atteints par des blessures mineures. Des blessures qui saignent, qui peuvent faire peur. La blessure mineure, pour moi, ça va, disons, jusqu'à la fracture sans déplacement. Disons, ce sont essentiellement des coupures, des contusions, des choses qui choquent, qui font peur, mais qui sont sans gravité. Si bien que les hôpitaux sont très encombrés, mais ne le sont pas par des personnes qui sont vraiment en situation d'urgence. Voilà. L'exception à cela a été le tremblement de terre d'Haïti, où là, on a eu des milliers de blessés et des blessés extrêmement extrêmement sérieux, qui ont effectivement été admis dans les hôpitaux improvisés ou les hôpitaux existants. Mais c'est une autre affaire, et c'est finalement, c'est une première d'une certaine manière. Il n'y avait jamais eu autant de blessés graves avant le tremblement de terre de Port-au-Prince, et cela est dû à l'extension des habitations marginales, des zones, si vous voulez, mal construites, mais quand même construites en dur. Mais ça, c'est spécifique. Donc là, on a des gens qui ont pour l'essentiel des coupures, éventuellement des coupures, des contusions, des gros bobos, disons, mais rien de très sérieux. Si bien que les services d'urgence sont extrêmement encombrés, mais par des petites blessures qui sont rapidement relâchées et renvoyées chez elles. Et cela explique que lorsque les équipes médicales étrangères arrivent, et cela prend nécessairement plusieurs jours, hein, on ne peut pas réduire le temps, les distances comme cela, elles sont désœuvrées. Et on a vu des dizaines de chirurgiens, de médecins errer, dépités de s'être mobilisés pour rien, conscients qu'ils sont plus un fardeau qu'un soutien à la population et aux autorités locales, mais c'est précisément à cause du phénomène que je viens de décrire. Et par ailleurs, toujours sur le plan médical, il faut mettre en avant quelque chose qui est extrêmement perturbant, qui est cette notion d'épidémie menaçante qui, comme le disait l'OMS, vous l'avez rappelé dans votre récit, risque de doubler la mortalité. C'est un postulat erroné ou pas? C'est une croyance tout à fait infondée, croyance qui renvoie, disons, au grand mythe biblique ou du Gilgamesh. Enfin, il y a dans tous les grands récits fondateurs, on a cette alliance des fléaux, les pestes, les pestilences, les guerres, les tremblements de terre, les sécheresses. Et parfois, c'est la colère de Dieu. Les criquets, etc. Voilà. Tout ça relève effectivement d'une colère métaphysique qui s'abat sur les hommes, une sorte de vengeance divine. Mais dans la réalité plus prosaïque du monde tel qu'il est, et non pas tel qu'il est imaginé par les religions, les cadavres ne provoquent pas d'épidémie. Les épidémies peuvent provoquer des cadavres, mais ça marche pas dans le sens contraire. Depuis Pasteur, et depuis l'abandon de la théorie de la génération spontanée, on sait que le choléra ou la typhoïde ne naissent pas ex nihilo, de corps dans lesquels ces germes n'existent pas. Et ce que je trouve extrêmement perturbant, c'est que l'OMS elle-même, qui est chargée de véhiculer un savoir médical, scientifiquement fondé, a lancé plusieurs appels pour mettre en garde contre la survenue d'épidémies et déployer des équipes vaccinales qui ne servaient à rien, qui étaient du gâchis d'argent, qui encombraient les hôtels, les routes, les bureaux des administrations locales, alors qu'au contraire, il s'agissait de désengorger, bref, qui ont provoqué une mini-catastrophe dans la grande catastrophe. Et je trouve honteux de la part de l'OMS de s'être livré à quelque chose qui est de l'ordre d'une erreur médicale, d'une faute professionnelle, d'une telle gravité, sans qu'il y ait eu de retour critique, là-dessus. Donc ça aussi, avec l'hébétude des populations, qui n'est, comme je le disais, qui est une croyance, mais qui n'est pas du tout vérifiée, l'idée que des épidémies dévastatrices se produisent après une catastrophe naturelle est elle aussi une croyance infondée. Alors est-ce qu'on a retenu la leçon de ça? Parce que c'est important. Oui, on a retenu le son de ça, mais enfin, il n'y avait pas besoin d'attendre 2004, on sait. Oui, bah certes. Encore une fois, depuis Pasteur, on sait cela. Alors c'est une croyance que l'on voit se reproduire de catastrophe en catastrophe, et que la plupart des gens croient fondée. Et je le comprends, l'idée d'un cadavre, ça sent très mauvais, et dans notre imaginaire, les odeurs sont, d'ailleurs, quand on dit infect et infectieux, c'est la même racine, et c'est bien, ça nous dit bien quelque chose sur la croyance dans les vertus pathogènes des miasmes. Ouais. Mais de la part de professionnels de la santé, c'est tout de même, vous avouerez que c'est tout de même problématique. Certes. Alors, deuxième point polémique, les dons, les énormes dons récoltés par les ONG. On va écouter un reportage sur ce sujet-là, diffusé le 11 mai 2005 sur France 2. Pour les rescapés du séisme d'Asie. Jamais catastrophe naturelle n'avait entraîné un tel élan de générosité. Entre Noël et Nouvel An, dans le monde entier, on met la main à la poche. Le tsunami fait recette, au-delà de toutes les espérances des organisations humanitaires. 220 millions d'euros de dons récoltés rien qu'en France, un record à la hauteur de l'émotion suscitée par des images comme celle-ci. Dès le 3 janvier, Médecins Sans Frontières dit « ça suffit, n'en jetez plus ». Pour ses opérations en Asie du Sud, MSF a reçu 104 millions d'euros. Elle a prévu de n'en dépenser qu'un quart, 25 millions au grand maximum. Question, que faire de l'argent restant? Au siège de l'ONG, pour des raisons morales, on décide de consulter les donateurs. En France, ils sont 80 000. On a deux donateurs qui ont refusé cette réaffectation et ont demandé à être remboursés. 30 ont confirmé leur volonté que leur argent aille sur le tsunami, et ça sera donc le cas. Pour les autres, sans réaction donc de leur part, cet argent va être réaffecté sur d'autres crises. Alors, vous connaissez bien cette histoire, hein, puisque MSF a décidé d'être très actif face à des dons. Alors, il y a plus de dons qu'il n'en fallait. Alors, c'est vrai que quand on dit ça, et quand je l'ai dit dans le récit, ça me faisait bizarre de dire il y a eu trop de dons. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment vous avez réagi? Pourquoi vous avez réagi comme ça? Revenons avec vous sur cet épisode-là. Bon, d'une part, disons, l'explication de cet afflux de dons tient en... dans l'analyse de la situation, c'est-à-dire que ça se produit à une période extrêmement favorable aux dons, le 26 décembre, la période de fin d'année, Noël, est particulièrement propice à ce genre de, d'ouverture, de générosité, de sollicitude pour les malheurs des autres, et c'est très précieux, il faut surtout pas s'en distancier de cela. Par ailleurs, on croit que cette catastrophe a frappé essentiellement le Sri Lanka et la Thaïlande, qui sont d'une certaine manière des lieux familiers et connotés positivement. D'autres tremblements de terre qui se produisent par exemple au Cachemire ou en Iran ne provoquent que du rejet. Donc, et si vous voulez, puis il y a des touristes aussi, beaucoup de touristes occidentaux. Voilà, ils sont connotés positivement parce qu'ils sont connus physiquement. Tout le monde ou presque connaît quelqu'un qui est allé là-bas, qui en a gardé de bons souvenirs. Et donc il y a une sorte de... Puis c'est bouddhiste, donc en France, en Europe, les bouddhistes ont bonne réputation. C'est une religion connotée positivement là aussi. Bref, le lieu est sympathique. Et puis il y a ces images dont nous parlions tout à l'heure, ces images qui filment, enfin qui restituent la catastrophe au moment où elle se produit et qui provoquent un choc émotif particulièrement fort, y compris pour des gens comme moi qui sont quand même, qui sommes très habitués à ce genre de situation. Je m'en souviens personnellement comme d'un choc terrible. Je n'avais jamais vu ça et personne, tout le monde était dans ce cas-là. Donc voilà ce qui provoque cet énorme afflux de dons. De l'autre côté, il y a des goulots d'étranglement et les besoins sont considérablement surévalués. Ce dont les gens ont besoin finalement, pour l'essentiel, c'est d'un mécanisme comparable à une assurance, c'est-à-dire toucher de l'argent pour pouvoir reconstituer leur commerce, leur habitation, leur champ, leur bateau de pêche et subvenir à leurs besoins. Donc l'idéal, si vraiment on avait été, on s'était aligné exclusivement sur les besoins, l'idéal aurait été de distribuer des cartes de crédit permettant un accès par exemple à $100 par mois, étagé sur 6 mois ou un an, avec un petit pécule au départ pour pouvoir reconstituer son capital, maison, entreprise, etc. Et donc permettre aux gens de se relever eux-mêmes. C'est une sorte d'assurance humanitaire dont il aurait, fallu. Plutôt que des milliers de volontaires qui, je le signale au passage, on est à l'époque de la grippe aviaire, dont le siège est en Indonésie, dont les conséquences humaines peuvent être gravissimes. Il y a eu une alerte mondiale qui a été sonnée à l'époque. Or, on avait 5000 personnes regroupés à Banda Aceh, 5000 personnes venant de tous les coins du monde, qui auraient pu très bien être, au cas où la grippe aviaire aurait muté, aurait pu très bien être un multiplicateur de grippe et diffuser l'épidémie dans le monde entier. Donc, double responsabilité de l'homme. Heureusement, ça ne s'est pas produit, mais ça n'était pas impossible. En tout cas, ce qu'il convenait de faire, c'était cela. Autre exemple qui montre l'inanité. Enfin, vous avez compris que je considère cette opération d'urgence comme un gigantesque ratage. Oui, mais bien sûr. C'est un gigantesque ratage. Ce qui a été très réussi, c'est la reconstruction. Donc le tableau n'est pas entièrement noir, loin de là. Le gouvernement indonésien, avec l'aide des capitaux internationaux, s'est livré à une opération de reconstruction qui est quasiment exemplaire. Toutes les traces du tsunami ont été effacées. Donc il ne s'agit pas de jeter le bébé avec l'eau du bain, si j'ose dire. Mais localement, enfin au moment de l'épidémie elle-même, ça a été vraiment un grand ratage. Et regardez les erreurs de perspective qui se produisent. Au Sri Lanka, je vous le disais, une bande de terre de 100 mètres selon le relief. Hein. À certains moments, c'est 50 mètres. À d'autres endroits, ça peut être 200 mètres. C'est selon la hauteur des collines qui bordent le littoral. Eh bien, 1000 soignants sri lankais étaient à pied d'œuvre le lendemain, le jour même ou le lendemain du tsunami. Les soignants sri lankais, à quoi ils ressemblent? À des Sri Lankais. Et donc personne ne les voyait. Les médias ne les voyaient pas. Donc c'était des médecins et des infirmières sri lankais qui travaillaient, qui faisaient leur boulot. Eh bien, c'était des secours locaux qui étaient déployés pendant que des médecins étrangers, français, américains, australiens faisaient le pied de grue. Voilà. Et malheureusement, vous l'avez compris, c'est la fin de l'émission. On aurait pu aussi parler de la reconstruction psychologique. Je pense qu'elle est très importante. On ne peut pas parler de tout. Merci infiniment, en tout cas, Ronny Broman, pour vos explications et votre témoignage. Au revoir. Au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, le tsunami du 26 décembre 2004. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Affaires Sensibles du site de France Inter pour toute information complémentaire à notre émission. Livres, références et vos commentaires, bien sûr, si le cœur vous en dit. Et merci à Tristan Gratalon qui était à la technique aujourd'hui. Puisque nous sommes jeudi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Margot Pinel, Jeanne Mayer, Héloïse Daviau et Jean Bulot. Attaché de production Valérie Priolet, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, comédien Sabine Audepin et Philippe Pierrard, réalisation Coyen Guyenne et Jérôme Boulet. Jérôme Boulet à qui j'adresse aujourd'hui mes plus sincères remerciements et ma chaleureuse reconnaissance pour le travail accompli.